Eh bien, la petite Bijou vient demain m'apporter une robe de chambre brodée. Un amour, ils y ont passé 6 mois. Personne n'aura pareille étoffe. Bijou m'aime, car je lui donne des friandises et mes vieilles robes. Puis j'envoie des bons de pain, des bons de bois et de la viande à la famille, qui casserait pour moi 2 tibias à un premier sujet si je le voulais. Je tâche de faire un peu de bien. Ah, je sais ce que j'ai souffert quand j'avais faim. Bijou m'a versé dans le cœur ses petites confidences. Il y a chez cette petite fille l'étoffe d'une figurante de l'ambigu comique. Bijou rêve de porter de belles robes comme les miennes et surtout d'aller en voiture. Je lui dirai « Ma petite, veux-tu d'un monsieur de... » « Quéquetat ?» demanda-t-elle en s'interrogeant. « 72 ? Je n'ai plus d'âge. »« Veux-tu, lui dirai-je, d'un monsieur de 72 ans, bien propre, qui ne prend pas de tabac, sain comme mon œil, qui vaut un jeune homme ? Tu te marieras avec lui au 13e, il vivra bien gentiment avec vous, il vous donnera 7000 francs pour être à votre compte, il te meublera un appartement tout en acajou, puis si tu es sage, il te mènera quelquefois au spectacle. Il te donnera 100 francs par mois pour toi et 50 francs pour la dépense. Je connais Bijou, c'est moi-même à 14 ans. J'ai sauté de joie quand cette abominable crevelle m'a fait ces atroces propositions-là. Eh bien, vieux, tu seras emballé là pour 3 ans. C'est sage, c'est honnête, et ça aura d'ailleurs des illusions pour 3 ou 4 ans, pas plus.